La ilaha illallah, ça veut dire je ne reconnais que lui, il est tout, et je ne suis rien vis-à-vis de ce tout. Il est le créateur, et je ne suis que la créature vis-à-vis de ce tout.